L'endroit pour nous était pratique. Tout près des bus de Wapping, et tout de même en plein centre des docks. C'était rare comme situation. On pouvait se tirer par la berge quand les bourres du yard rapprochaient, qu'on entendait leurs pas gracieux, sonnait leur groll plein les pavés. Quant aux autres, les polices du fleuve, quand ils musèrent au pylône, avec leurs canots, tup-tup, sournois du moteur, pète-velours. Au fil à la moufte, pas à faire chier l'homme, y en avait pour plus d'une plombe. Le temps de leur micmac, tup-tup, qu'ils aillent aux écluses et s'en reviennent. Toujours ça de gagner, des rats, je les vois, des rats galeux. Entre fleuve et berge, j'ai jamais pu moi les sentir, la suprême canaille, terre et onde. Voilà bien les ordures des flots, tup tup, la police du fleuve, ça sort des bornes de perfidie. Et je vous raconte pas tout, je m'embrouillonne de rage, d'y penser, je m'enfumante, je m'égare. Rien que d'en causer au souvenir, tup tup, c'est pas poli, mille honte, mille excuses, c'est pas des manières, je m'en rends compte. Ni bien artiste, ni raisonnable, je vous ramène à table. Je vous ramène à table.